moi je vous donne quelque chose qui vous donne envie dans exactement 5 jours, 21h, 50 minutes et très, très, très 59 très secondes, nous allons retrouver la fête du Duy avec Arnaud Métivier. Oui. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Et c'est ça exactement, hein, le timing précis. Hein. Oui, sur le site internet de la fête des Duy, effectivement, il y a un décompte qui est là depuis quelques mois. À faire patienter les gens qui réclament la fête des Duy chaque année. Il s'agit de leur dire qu'on y pense, on y travaille chaque jour, chaque minute. On travaille à cette fête des arts qui a lieu au milieu de la Loire, à Orléans, au cœur du mois d'août. Alors justement Arnaud, avant de parler plus précisément de vous, de l'artiste, parlez-nous de ce festival des Duy. C'est où, c'est quand, ça fait combien de temps qu'il existe ce festival? Le 7e, t'as vu, je suis. Oui, nous allons fêter la 7e édition de la fête. Je dis bien fête parce que il y a l'espoir à chaque fois que ce soit une fête, c'est-à-dire que chacun amène quelque chose à cet endroit-là. Non pas un festival. Un festival, c'est souvent un lieu où certains amènent et d'autres reçoivent. Le public y reçoit, les artistes amènent. Là, sur la fête des Duy, il y a l'ambition que chacun amène quelque chose. Alors, le public, sa curiosité, son regard éclairé ou pas, les bénévoles amènent... C'est une forme d'échange spontané dans un espace naturel. Où peut-on aller, justement, c'est où la fête des Duy, si on ne connaît pas bien Orléans? C'est où? C'est à l'hypercentre d'Orléans, c'est-à-dire au milieu de la Loire, du fleuve Loire. C'est là le cœur de la fête des Duy est au cœur d'Orléans. Comment y accède-t-on? Alors, l'association Nanoprod, organisatrice, dont je suis le directeur artistique, aménage un ponton flottant qui fait 150 mètres de long. D'accord. Qui flotte sur la Loire et qui permet depuis le quai de Prague à Orléans d'accéder à une île qui est appelée Duy. En fait, voilà. Donc, l'accès se fait par un quai de la ville d'Orléans, mais en plein centre-ville, pour aller sur une île de Loire, une île qui est très, très sauvage, qui est la plupart de l'année inaccessible, sauf en se mouillant un peu les pieds, évidemment. Mais, alors, je vais me faire l'avocat du diable. Vous n'allez pas y déranger des hôtes animaux et autres qui sont d'habitude d'accoutumer sur cette île, tranquille, paisible et non dérangée par l'espèce humaine? Alors, c'est la grande question de l'espèce humaine. aux philosophes d'y répondre, également aux hommes et femmes politiques de répondre à cette question. Bon, pour l'instant, en tout cas, vous êtes autorisé à faire cette fête à cet endroit-là. Oui, on est autorisé, mais moi, je suis évidemment plutôt... écologie. Oui, sensible, bien sûr. Écologie, sensible. Tout se fait dans le respect de l'environnement. Et évidemment, je pense qu'il faut tout le temps considérer aussi l'humain faisant partie de l'univers. On ne peut pas dire tout le temps qu'il nuit à l'univers. Il est là aussi. Et le travail de tous, c'est d'essayer de lier cette nature humaine, cette nature géologique, cette nature animalière ou florale. La fête des Duy se déroule, le cœur de la fête des Duy se déroule dans un milieu... pas forcément sensible, hein. Il passe une autoroute par-dessus, donc en termes de bruit, on est les instruments de musique qu'on peut amener qui viennent du monde entier sont beaucoup moins nuisibles des 4x4 qui passent au-dessus de cette île en permanence toute l'année, ou alors des grands feux d'artifice qui sont tirés depuis les dunes chaque année avec des tonnes de bombes. Bien sûr, bien sûr. Alors nous nous sommes attardés volontairement sur ce lieu parce qu'il est original. Donc ça, il méritait qu'on s'y attarde. Mais on va. Mais bien sûr, on vous reçoit aujourd'hui aussi pour parler du contenu de cette fête des Duits. Que va-t-on pouvoir y trouver ? Quel est le programme ? Mais le programme, c'est d'abord une île. Effectivement, une île telle qu'elle est, c'est-à-dire avec sa faune et sa flore. Et c'est déjà remarquable puisque tout ceci se passe au cœur de la ville. C'est-à-dire qu'il y a 300 000 habitants autour de cette île qui vivent, qui grouillent. Et il y a déjà un lieu emblématique qui est le Duit Saint-Charles. Mais moi qui suis favorable et peut-être militant à la culture tout le temps, je milite à ce qu'on baigne dans la culture simplement pour ne pas se battre les uns les autres, pour lutter contre les guerres. Voilà, moi qui milite pour la culture, à cette nature magnifique, j'y ajoute des artistes, du spectacle vivant, des artistes, des arts plastiques qui viennent agrémenter ce lieu atypique qui est cette île de Loire. Alors justement, cette année sur l'île, tu as trouvé un thème, le thème 2017 qui a changé, c'est la Concorde. Et alors la Concorde, oui. De ce thème, en quelques mots, au niveau du programme donc, qu'il y aura sur la planète des Duits, il y a quelques jours assez importants, entre autres par exemple le dimanche 13 août, ça commencera à 6h du matin, le mardi 15 août à 6h du matin, c'est justement pour faire découvrir cette planète des Duits au public, mais différemment. De bonne heure le matin, c'est assez rare quand même sur un programme artistique. C'est très rare, mais justement, je crois que l'artistique, c'est tout le temps. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas à 18h, ça s'arrête pas l'été, ça s'arrête pas le matin. L'artistique doit être tout le temps, parce qu'il cultive, il participe à la cultivation. Les cultivations d'un mot qui n'existe pas, mais auquel je crois. L'artistique participe à la cultivation des gens, c'est-à-dire une ouverture d'esprit qui empêche l'obscurantisme, en fait. Et ça n'a pas de... ça n'a pas d'heure, ça n'a pas de... ça n'a pas de temporalité, ça doit être tout le temps. La culture d'une nation, elle se fabrique, elle se construit tout le temps et elle n'est jamais figée. On ne peut jamais dire, voilà, la culture d'une société, elle est comme ça. Non, elle évolue. Il y a des nouvelles technologies qui la font évoluer, il y a plein de choses. Et du coup, c'est tout le temps la culture, moi je le crois. Et c'est à 6 heures le matin, c'est la journée, c'est à 21h. Et du coup, je rencontrais l'autre jour un commerçant qui râlait en voyant la fiche de la fête des Duits. Il me dit, oui, mais moi je peux jamais y aller, c'est tout le temps quand on travaille. Et je lui dis, non, c'est pas vrai. À 6h le matin, vous pouvez venir. Les horaires, donc 6h du matin et le soir tard, c'est ça qui est exceptionnel. En plus, quand on vient à la fête du Duit, pour y avoir été l'année passée, on retrouve cette fête avec ce gros point d'interrogation rouge juste au-dessus du ponton. Il sera encore là cette année ? Il sera là, bien sûr, puisqu'il ça vient définit. Interroger, voilà. Il vient interroger le public, les publics. C'est une œuvre plastique que j'ai imaginé il y a quelques années, un énorme point d'interrogation rouge qui flotte dans le ciel. Il fait 7 mètres de haut, il peut monter jusqu'à 50 mètres, 100 mètres de haut. Et cette œuvre plastique est là pour dire que l'artistique interroge le monde. Alors. C'est pas juste de l'animation. La fête des Duits est un lieu où les artistes interroge le monde. Et ce que devraient faire les artistes en permanence. Et donc, pas toujours le cas, peut-être, ouais. mais interroger, questionner, enrichir, voilà, créer des doutes sur nos certitudes. Les artistes sont là pour ça. Ils sont là pour nous déranger, provoquer des émotions. Et c'est pour ça qu'il y a ce point d'interrogation qui dit « Attention, on n'est sûr de rien, venons se questionner. » Mais de façon ludique aussi, en passant du bon temps, on peut manger. Ah voilà, exactement, c'est ce qu'il faut dire. La fête des duits, c'est la restauration surtout, hein, parce qu'on vient pour prendre du bon temps avec les artistes du 11 au 16 août, mais aussi on peut se restaurer sur place toute la journée à partir de 11h du matin jusque très tard le soir, et ce n'est qu'une seule fois dans l'année, donc il faut aller s'interroger au point d'interrogation à la fête du Duit. Quelques mots, on te retrouvera au Festival de Loire, Arnaud? Alors on me retrouve parce que je participe à la programmation artistique pour la société de production organisatrice qui s'appelle Aquaviva Production. Oui. Puisque le Festival de Loire, on va dire organisé par la ville d'Orléans, est la ville fait un marché, un appel d'offres, en fait, pour trouver qui va organiser tout ça, le maître d'œuvre, en fait. Ou le maître d'ouvrage, je ne sais plus. Voilà. Et en tout cas, pour Aquaviva Production, je demeure, comme en 2015, l'artiste associé qui est chargé de la programmation artistique au sein du Festival de Loire. Ce fut mon travail tout l'hiver. Et voilà, d'accord. Bientôt sera dévoilée cette programmation artistique entre musique, cirque, théâtre de rue, voilà, ces choses qui amènent de la culture dans une grande fête. D'accord. Voilà. Alors tes albums, disons quelques mots juste sur tes albums, l'actualité musicale, ton dernier album, où est-ce qu'on peut le retrouver? Il est encore présent? Il y en a un nouveau qui va arriver? Il y a un tout nouvel album. D'accord. Qui est unique, qui est une pièce unique. Ce dernier album mesure 2,50 m par 2 m. On peut rentrer dedans et écouter. C'est une sculpture, c'est une sculpture musicale qui est exposée en Corse. D'accord. Actuellement à Ajaccio, et que l'on va retrouver dans la ville de Tulle au mois de septembre. Donc c'est une sculpture musicale qui se déplace de musée en bibliothèque, en festival. J'ai voulu créer un album qui me ressemblait de A à Z, c'est-à-dire où je choisissais le contenant, c'est-à-dire la pochette et le contenu, évidemment la musique. Donc on peut, pour décrire aux auditeurs, la pochette est une sculpture dans laquelle on entre, une sculpture assez ouverte, dans laquelle on s'allonge, une personne seule s'allonge dedans, très confortablement installée, et elle va pouvoir écouter mon dernier enregistrement qui dure 18 minutes et qui est enregistré et diffusé par 16 haut-parleurs plus un vibreur avec du son qui voyage dans l'espace. D'accord. Un procédé très très innovant avec des logiciels tout nouveaux. Et voilà quel est le dernier album. Il s'appelle L'objet du désir. Il est le fruit de 9 années de recherche sur les disques. J'en avais un peu marre de sortir des disques de facture traditionnelle, c'est-à-dire dans une pochette cartonnée avec un livret dedans et puis un cercle rond que l'on appelle CD, qu'on met dans un boîtier, dans un lecteur qu'on a acheté dans un supermarché. J'en avais marre de cette chose-là. Je voulais un objet à moi, un objet complet, qui me ressemble. Et voilà quel est le dernier album. Il n'en demeure pas moins qu'il reste des... Je continue à fabriquer des albums de facture traditionnelle. On les retrouve sur le site, sur mon site internet qui s'appelle nanomusique.fr. Oui. Voilà. Donc dessus il y a des disques physiques, toute la discographie qu'on peut acheter, se procurer. Je suis sur un rapport de vente du producteur au consommateur de façon directe. Il n'y a pas de distributeur. Quand on commande un disque sur mon site internet, c'est moi qui fait l'envoi. Je cherche aussi une économie différente pour le disque, pour que les publics qui s'intéressent à mon travail soient au plus proche de moi, en fait. Donc de la vente directe, quasiment de la vente directe, comme on va acheter des tomates au producteur, ben là on peut acheter des disques directement au producteur. Il y a aussi des disques numériques. Je pense à un disque qui s'appelle Le Voyage électromagnétique, qui est un disque qui ne s'écoute qu'au casque, parce qu'il y a un procédé de musique en 3D. Donc c'est des choses qu'on achète sur internet et qu'on écoute au casque. Et puis ce dernier disque, L'Objet du désir, qui lui aussi est en trois dimensions. C'est une musique en trois dimensions, une musique qui voyage autour de notre tête, sous notre corps, des doigts de pied aux cheveux. Voilà, une vraie musique voyageuse, donc en trois dimensions. Ce disque s'achète, c'est une pièce unique qui vaut 17 000 euros, mais comme peu peuvent se le procurer, on offre l'écoute à des gens à travers des musées, des festivals, des bibliothèques. Donc c'est pour ça qu'il est exposé régulièrement dans des endroits. Les gens s'inscrivent souvent gratuitement pour en profiter une vingtaine de minutes. C'est ce qui a eu lieu ces derniers jours en Corse. C'est un procédé vraiment, vraiment nouveau. C'est un manche-disque, mais c'est plus le disque qu'on met à l'intérieur, c'est le spectateur qu'on met dans la structure. Dans l'appareil qui lit. Voilà. Voilà où en est mon univers discographique. Et puis pour le reste, je continue à écrire de la musique pour le théâtre, pour la danse, pour le cinéma. Et puis je continue à inventer des spectacles, des grands spectacles, des petits spectacles, avec de la danse, du cirque, de la musique mélangée, des arts plastiques. J'en suis à une période de mélange des arts et d'essayer de créer des choses très très vivantes. Et le plus souvent en lien avec ou le patrimoine ou la nature indirectement. Donc la fête des Duits, elle participe à ces choses-là et on y retrouve. Je suis un acteur de la fête des Duits avec ma musique, avec ma mise en scène pour orchestrer tous ces musiciens, clowns, gens de théâtre qui viennent, des danseurs, des vidéastes, des plasticiens, sculpteurs, peintres, des architectes. Voilà, je mets en scène un peu tous ces gens-là. Il y aura l'arrivée d'un hydravion dans la Loire lors de la crémaillère de la fête des Duits. Il ne faut pas en dire beaucoup, alors il faut venir voir, c'est mieux pour la crémaillère. Voilà. Sur une tradition de Duits, je pense à la Charité sur Loire, un peu en amont d'Orléans. D'accord. Qui fut une base d'hydravion après la guerre. vers 1943 jusqu'après la guerre. Ce fut une base navale d'hydravions grâce aux duits qu'il y avait à la Charité qui permettait de garder un niveau d'eau suffisant pour faire atterrir des avions. Et sur cette histoire vraie de la Loire, eh bien, on va amener un hydravion sur la fête des Duits pour faire rêver les gens, puisque c'est le leitmotiv de la fête des Duits, qui est de faire rêver les gens. Voilà. Pour conclure, Arnaud, comment résume votre œuvre, vous qui êtes à la fois dans votre art expérimental, contemporain, dans une recherche permanente, dans la création musicale, l'écriture et la réalisation de films, comment résumeriez-vous en un mot ou en quelques mots, si tant est que ce soit possible, votre œuvre? J'essaie de créer des émotions. Je suis un aventurier. J'essaie de faire une œuvre globale qui est moi, en fait. Tout simplement, j'essaie simplement d'être moi par la création. Dans les inspirations qui correspondent à votre temps et entre autres l'inspiration de l'environnement, puisque vous êtes à l'origine de cette fête déduite aussi à sa création qui a lieu au plein cœur du fleuve Loire. Nous rappelons très rapidement les dates parce qu'au niveau de l'émission là, le chrono tourne très vite. Alors la fête déduite c'est du 11 au 16 août. Bien entendu, on retrouve tous ces artistes, un mélange de photographie, de musique, de création, de théâtre, de danse, d'architecture et de cinéma. Tout ça, ça sera accessible au milieu du fleuve Loire avec un accès, un ponton accessible à partir du quai De Prague. Merci à vous, Nano, de votre nom d'artiste, Arnaud Métivier, de votre nom de ville. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Arc-en-Ciel pour nous présenter cette fête déduite dont nous relayerons l'info dès qu'elle démarrera, bien entendu. Avec grand plaisir, bienvenue à tous les auditeurs, bienvenue à vous. Je vous souhaite un excellent été. Merci beaucoup, Nano, à très très bientôt. À bientôt, au revoir. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir.